Salut les copines, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, vous avez fait quoi ce week-end? J'étais à une soirée plutôt sympa. J'ai rencontré un mec plutôt pas mal aussi, mais qu'est-ce que tu la racontes? Ah ouais, il s'appelle comment? Narcisse. Narcisse. Ma confiance en moi me donne des ailes. Merci. Et l'instinct de peur a comme je les ai. Merci. J'claque mon oseille en bouffe, en joue, en sage. On préoccupe de moi, de moi, de moi et le reste m'en tarde. Merci. Merci. Merci. Merci. J'ai trop la classe, la race en place, quand on va dans la glace. Merci. Merci. Merci. J'ai confiance en personne. À part en moi-même, je suis fier de moi-même. J'étais déjà avant que mes parents voient mes exploits, donc laisse-moi faire ma vie. J'éradique le reste et je suis la seule thématique de mes schémas dream. Je pense que je suis le plus chaud, sa mère. J'ai pas de flow, non, j'ai toute l'eau de la terre. Vendeur tête, mais c'est normal vu ce que je sors. Pas qu'un disque d'or, mes textes sont pas violents, mec, ils sont plus que gore. Y'a que pour moi que j'ai de l'estime en fait. Y'a pas que mes fringues, mes belles paroles ont un lustre vestimentaire. Et ce qui m'emmerde, c'est quand mon ego crie à l'aide. Quand j'écris des textes à thème et qu'il voudrait des ego trips. Je tape devant mon miroir et je t'assure, je fais pas semblant, je kiffe. Je me fais pas prier, je veux juste briller comme mon pendentif. Et je veux que ça tape, je suis pas satisfait si mon cesse des fleurs. Pour ça que je pose, si je suis à fleur de peau, c'est que je veux qu'on me jette des fleurs. Ma confiance en moi me donne des ailes. Merci. Et l'instinct de peur a comme je les ai. Merci, j'claque mon oseille en bouffe, en joue, en stage. Je m'occupe de moi, de moi, de moi et le reste m'en tarde. Merci, merci, merci, merci, merci. J'ai trop la classe, la race en place, quand on va dans la glace. Merci, merci, merci, merci. J'pars pas au charbon, mais charbonne comme un roughneck. Narcisse préfère son reflet à celui de ses refrains. Refjet, plein de fierté et plein d'orgueil. Comment faire autrement quand vos copines me font des clins d'œil? J'pense que j'suis le plus frais, sa mère. J'suis pas avare, non, j'veux tout le blé de la terre. En ta tête, j'suis désolé, j'vous demande pardon. Mais c'est pas de ma faute si j'suis grave bon. Et ça changera pas tant que je serai en vie. Les autres se taisent dans le vide, car quand je paierai, c'est demeurer mon vie. Quand je me promène en ville, là ils en mis comme si j'étais tout bac. Ça chuchotait tout bac, cramé ta bitch, j'étais toute pâle. De mes qualités, je doute pas. Et de mes défauts non plus, vu que j'en ai appris. C'est dans la perfection que j'ai été conçu. Et dans ton player, Joss dépasse les meilleurs. Je veux mon titre, ça veut dire que je veux qu'on m'appelle Seigneur. Ma confiance en moi me donne des ailes. Merci. Je roule ainsi que peur à comme je les ai. Merci, j'claque mon oseille en bouffe, en joue, en stage. Je préoccupe de moi, et le reste m'en tarde. Merci, merci, merci, merci, merci, merci. J'ai trop la classe, la race en place, quand on va dans la glace. Merci, merci, merci, merci. Narcisse est toujours devant dans les photos. Même en groupe, le mec se place toujours devant ses poteaux. Ça fait chier, mais en même temps, tu ne peux qu'apprécier. Regarde la paire de baskets de sa mère, je suis le plus frais jusqu'à mes pieds. Je pense que je suis le plus beau, sa mère. Et les jaloux se mettent dans une grosse galère. Vantard tête, ouais, j'avoue, c'est vrai, mais bon. Mais cesse défendre, sont musclés plus que les leurs, ils devraient faire des pompes. Les avis sur moi ne sont pas mixés. Ils se mettent tous d'accord pour avoir le regard fixé sur moi, mais nixé. Mes 10 ans, puis mes 10 ans, je fais des trucs délirants. Je suis bête, dimanche, je suis au-dessus, ouais, c'est évident. Je dis, mais ce que je fais est plus grand que ce que vous faites. Je vous baisse, c'est pas, mais c'est qu'un exemple de souplesse. Je suis loin d'être parfait, j'ai déjà passé stade. Narcisse progresse et les extrêmes se stagnent. Ma confiance en moi me donne des ailes. Merci, merci, merci, merci, yeah, yeah, yeah. Ma confiance en moi me donne des ailes. Merci, sous l'instinct de peur à comme je les ai. Merci, j'claque mon oseille en bouffe, en joue, en stage. Je m'occupe de moi, et le reste m'en tarde.